Demande-moi tout ce que bon, génial chez nous. Je veux aujourd'hui qu'ils me disent enfin que je suis jolie. Tu ne peux rien me refuser, car j'ai les mots magiques. Bon, génial chez nous. Je veux aujourd'hui devenir la femme, oui, la femme de sa vie. Tu ne dois pas me contrarier, car j'ai les mots magiques. Demande-moi tout ce que tu veux. Sheng sheng a leng, chap chap chi do a. Sheng sheng a leng, chap chap chi do a. Sheng sheng a leng, j'ai les mots magiques. Ce que tu je veux qu'il m'aime. Dis-lui, dis-lui, dis-lui, tu m'aimes. Chap, chap, chidou, chidou, chidou.